franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Inimaginable, le petit Luxembourg, havre de paix et de prospérité, a connu lui aussi, comme son voisin belge ou encore l'Italie des années de plomb, une période trouble où de mystérieux poseurs de bombes ont tenté de développer une stratégie de la tension visant à déstabiliser le pays. C'est si vrai qu'en ce moment même, la justice du Grand-Duché essaie de faire la lumière sur ces événements qui datent des années 80. Deux individus font l'objet d'un procès fleuve depuis février dernier. Mais pour leurs avocats, ce ne sont que des boucs émissaires. En réalité, il aurait existé au Luxembourg une vaste conspiration impliquant des gendarmes, des militaires, les services secrets et des activistes d'extrême droite. On y retrouve aussi en filigrane l'action des fameux réseaux clandestins Gladio ou Stay Behind, mis en place dès la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire pièce à une éventuelle offensive des armées du pacte de Varsovie. Coïncidence fâcheuse. À la même époque, de l'autre côté de la frontière, ceux qu'on a appelés les tueurs fous du Brabant semaient la terreur en assassinant, sans mobile apparent, une trentaine de citoyens belges, tandis que d'autres terroristes, se réclamant de ténébreuses cellules communistes combattantes, perpétraient de nombreux et parfois sanglants attentats visant les installations de l'OTAN et les milieux patronaux. Y avait-il un lien entre toutes ces actions ? Et jusqu'où sont remontées les complicités ? Ces questions agitent aujourd'hui le Grand-Duché de Luxembourg et inquiètent ses dirigeants politiques. Dans un instant, le décryptage de M. X. Run, run, run. commencer, je vous propose la relation d'un étrange événement qui s'est produit en mai 1984 dans la province belge de Luxembourg. À cette date, des manœuvres interalliées sont prévues dans les Ardennes de part et d'autre de la frontière entre le Grand-Duché et la Belgique. Nom de code, Hussling 84. Pourquoi ce nom, hein ? L'Hussling est un massif boisé courant d'est en ouest à travers le Grand-Duché de Luxembourg. Et quel est l'objet de ces manœuvres ? Il s'agit de tester la résistance des dispositifs militaires de la région dans le cas d'une invasion des troupes du pacte de Varsovie. Ici, il faut rappeler que le Luxembourg est un État membre de l'Alliance Atlantique. Oui, le Grand-Duché a rejoint l'OTAN dès 1949. Et alors, qui doit participer à ces manœuvres ? Les exercices doivent rassembler des militaires belges, luxembourgeois, mais aussi des forces spéciales états-uniennes. Cependant, on le verra par la suite, d'autres éléments s'y sont peut-être joints. Mais qui Je vous en prie, n'allons pas trop vite. La manœuvre doit concerner les casernes de Bastogne et Wilsheim. Dans le sud de la Belgique, donc. Hein. C'est ça, oui. Deux relais radio, l'un en Wallonie, l'autre dans le Grand-Duché, doivent assurer le suivi des opérations. Mais assez curieusement, le centre de coordination générale est situé à Londres. Le 10 mai, le commandant Jean-Claude Marler, qui assure une permanence Hussling à la caserne de Wilsheim, est informé par l'officier de garde de la caserne de Bastogne que les deux casernes vont être prises pour cible à titre d'entraînement. Pour cible, c'est-à-dire qu'elles vont être attaquées ? Oui, mais enfin pour de faux, comme disent les enfants. Enfin, on peut le penser. Malgré tout, ce commandant estime qu'une telle opération est trop risquée et il demande son annulation. Mais dans la nuit du 12 au 13 mai, le bloc est de la caserne de Wilsheim et son atelier d'armement sont attaqués par un commando d'hommes masqués. 20 armes sont volées dans l'atelier qui ne contient que très peu d'armes récentes. Enfin, ce n'est pas le plus important. Au même moment, l'adjudant de garde, Karl Frech, fait tranquillement sa ronde de sécurité lorsqu'il entend un bruit suspect. Aussitôt, il fait front et dégaine. Il est prêt à tirer ? En tout cas, il fait semblant, car son arme n'est pas chargée. Mais à cet instant, une rafale de mitraillette déchire la nuit. L'adjudant touché s'écroule. Et alors qu'il est à terre, il voit un homme s'approcher de lui. Malgré l'obscurité, il lui semble que l'individu porte un blouson d'aviateur. Un militaire, donc ? Vraisemblablement. Mais quand cet homme se trouve à sa hauteur et que l'adjudant couché au sol ne représente plus aucun danger, il tire sur lui une nouvelle rafale, pratiquement à bout portant. Le coup de grâce. Puis l'homme s'enfuit, persuadé d'avoir mortellement blessé la sentinelle. Mais, miracle, l'adjudant grièvement blessé survivra. Et la suite, alors j'imagine qu'il y a une enquête. Évidemment, car il ne s'agit pas simplement d'une bavure, il y a eu volonté de tuer. Mais le tireur ne sera jamais identifié. Et tous les commandos ayant participé à ces manœuvres rejoindront rapidement leurs unités. Mystère total, par conséquent. Toutefois, beaucoup plus tard, on retrouvera des armes volées à Wilsheim, dans une cache des cellules communistes combattantes belges, les CCC, ainsi que d'autres dans une planque d'action directe. Il est donc permis de penser que ce sont des militants de ces CCC là, qui ont mené l'attaque et volé les armes. Ça serait logique. Et c'est ce qu'on pourra lire dans la presse. Mais étrangement, quand les dirigeants de ces CCC seront arrêtés, ils ne seront jamais inculpés pour cette affaire. La justice considérant que les armes ont très bien pu être achetées après l'attaque. D'accord, mais achetées à qui ? Les enquêteurs sont bien gardés d'être trop curieux. On ne voulait pas savoir. Ça me semble évident. Il faut observer que c'est seulement 15 jours après l'attaque de la caserne de Wilsheim que le Grand-Duché commencera à être frappé par une série d'attentats à la bombe. Et bien sûr, on imaginera qu'il y a là plus qu'une coïncidence. Bon, j'y reviendrai. En attendant, continuons à évoquer l'affaire de la caserne. Et ici, il faut que je vous parle d'un curieux individu, un certain Lucien Dissler. Qui est celui-là ? Paracommando au Congo belge, puis mercenaire au Katanga. Dissler est donc un ancien baroudeur très anticommuniste qui s'est retiré dans la province belge de Luxembourg. Mais il n'a jamais vraiment rompu avec le milieu militaire et ses anciens camarades. Et vraisemblablement, il a fait partie des réseaux Gladio. En tout cas, il est toujours prêt à rendre service quand on le lui demande. Quel genre de service ? J'y viens. Mais autre chose, Dissler est aussi un familier de l'ambassade états-unienne. En outre, comme certains de ses ex-mercenaires, il est mêlé à des trafics plus ou moins louches. Ça lui vaut de passer quelque temps à l'ombre. Mais il s'évade et part en cabale dans le midi de la France. C'est là qu'il découvre dans la presse que les CCC sont soupçonnés d'être à l'origine de l'attaque de la caserne de Wilson. Et lui, il sait que c'est faux. Bah oui, car il a joué un rôle éminent dans cette affaire. Et cet homme entier décide de dire ce qu'il sait. Pour disculper les CCC ? Donc de ça, je ne sais pas. Ce qu'il veut simplement, c'est faire éclater la vérité. Et pour ce faire, en 1985, il contacte un journaliste belge reconnu pour ses talents d'enquêteur, René Hachin. Oui, c'est un grand reporter du journal Le Soir que j'ai bien connu, hein, lorsque je me suis moi-même intéressé à l'affaire des tueurs fous du Brabant. Hachin se rend donc en France pour rencontrer Lissler. Et celui-ci lui raconte une étrange histoire. Il a été recruté pour cette opération Hessling 84 côté belge. Et par qui exactement ? Ben, il affirme que c'est un officier de sécurité de la province. Donc c'est un recrutement quasi officiel. Et que lui a-t-on demandé ? Ça, c'est plus bizarre. Parce qu'on a chargé cet ancien militaire, devenu civil, de donner un coup de main matériel au commando d'Hessling 84. Et plus précisément ? Ben, il est question d'hébergement, de ravitaillement, de repérage des objectifs, d'entraînement et surtout de transport. Et l'ancien baroudeur est ravi. Ah ouais, ça lui rappelle le bon temps. Oui, c'est à peu près ça. Et d'après lui, quels hommes forment ces commandos ? Mais il y a des Américains qui appartiennent certainement aux forces spéciales basées en Allemagne, mais aussi des paracommandos belges, et également 5 à 6 inconnus. Des hommes qui ne sont donc pas issus d'unités régulières. C'est son impression. Mais tous ont à peu près la même apparence, des costauds, cheveux ras et au visage camouflé. Autre sujet d'étonnement pour Dissler. Leur dotation en armes ne correspond pas à celle qui est d'habitude confiée aux militaires. Ce connaisseur a par exemple repéré une Kalachnikov et une mitraillette Thompson. Et quand ces hommes passent-ils à l'action ? Le 10 mai 1984, 2 jours avant l'attaque de la caserne, il est demandé à Dissler de louer un camion bâché. Et il conduit le commando sur une route proche de la caserne. Le camion est abandonné dans une carrière et les hommes poursuivent à pied. Mais 1 kilomètre avant, ils reçoivent un message radio et ils rebroussent chemin. Et pourquoi, à votre avis, là ? Ce contre-ordre doit correspondre à l'avertissement du commandant Marler. Sur les risques liés à une éventuelle attaque. Certainement. Hein. Mais 2 jours plus tard, on demande à Dissler de louer un nouveau véhicule, un autocar, et de prendre en charge un commando. Le même ? Difficile à dire, parce que tous ces types, ils sont une dizaine, sont maquillés. Ce qu'ils notent, par contre, c'est que leurs tenues sont hétéroclites, tout autant que leurs armes. Autre détail révélateur, au passage d'un village, ces guerriers se sont tapis sur le plancher. Ah, et pour ne pas être vus. Bien sûr. Ce jour-là, donc le 12 mai, vers 17h, Dissler dépose le commando dans la nature, à 2 heures de marche de la caserne de Welsam. Il leur indique le chemin à suivre à travers bois. Puis il les quitte. Il n'attend donc pas leur retour. Ce n'est pas prévu. Et il rentre chez lui. Mais le lendemain matin, il apprend par la radio que le sous-officier de garde à Wilsheim a été abattu. L'historien et universitaire suisse Daniel Ganzer a publié en 2011 un ouvrage intitulé « Les armées secrètes de l'OTAN » où il décrit précisément l'action des réseaux Stay Behind ou Gladio en Europe de l'Ouest. Il évoque l'affaire de la caserne de Wilsheim. Extrait. Observons au passage que pour lui, il ne fait aucun doute que l'ancien mercenaire Dissler était un membre de Gladio. Le gladiateur belge Dissler confirma au journaliste René Hachin que les forces spéciales américaines avaient été impliquées à plusieurs occasions dans des opérations clandestines en Belgique. Il y avait eu du grabuge quelques jours avant l'attaque de Wilsheim, lui raconta-t-il. Les Américains étaient allés trop loin. C'était des types d'une 40aine d'années, des officiers, des durs à cuire. Ils ont vraiment dépassé les bornes. Auparavant, ils avaient attaqué des baraquements, ils avaient même lancé une grenade en direction des bureaux du ministère public. Dissler confia aux journalistes que les méthodes violentes des commandos américains énervaient considérablement ceux en Belgique qui avaient connaissance de ces opérations clandestines. Les autorités civiles ont réagi en déclarant que c'en était trop. C'est à ce moment-là qu'a été annulé le projet d'attaque de la caserne de Wilsheim. Nous avons appris le jour prévu pour l'assaut que l'opération était annulé, mais il était trop tard pour arrêter les forces spéciales. Comment réagit Dissler quand il apprend ce qu'il s'est passé à la caserne? Il applique le plan qui était prévu, c'est-à-dire qu'il s'occupe de récupérer les membres du commando dans les points de rendez-vous qui avaient été fixés. Mais il n'y a personne. Explication? Il comprend qu'après les événements de la soirée précédente, une décision d'exfiltration a été aussitôt prise. Et les gars ont sans doute été évacués au plus vite par hélicoptère en direction de l'Allemagne. Pourtant, il reste encore deux Américains qu'il retrouve dans une carrière. Il les prend en charge et les conduit à un autre point de rendez-vous, pense-t-il. Un hélicoptère viendra les chercher. Mais le lendemain, il recueille encore trois Belges du commando qui sont demeurés cachés dans les bois après l'attaque. Il les rassure en leur apprenant que l'adjudant Fraîche a survécu. Et ensuite, alors? Pour lui, en principe, l'aventure est terminée. Il retourne à ses petites affaires louches jusqu'au jour où, arrêté par la police pour une tentative d'escroquerie, il parvient à prendre la file de l'air. Et donc, alors, 1985, il se confie à René Aquin. Et son interview fait un certain bruit, parce que jusque-là, la justice avait toujours considéré que les coupables étaient les membres des CCC, ou peut-être même des truands qui leur avaient revendu les armes après les avoir volées à Wilsheim. Cependant, les confessions de Dissler vont se retourner contre lui. Le parquet belge l'inculpe pour attaque à main armée et tentative d'assassinat et lance un mandat d'arrêt. Et peu de temps après, le baroudeur est interpellé au Luxembourg et extradé en Belgique. Il paie donc au prix fort cette décision de livrer sa vérité. Et aussi sa réputation plutôt sulfureuse, car il va purger intégralement sa peine pour tentative d'escroquerie. Au total, il passe 6 ans en prison et se verra toujours refuser toute demande de libération conditionnelle. Ça ressemble à une vengeance, ça. Tout à fait. Enfin, en 1991, après avoir bénéficié d'un non-lieu pour l'affaire de Wilsheim, il peut retrouver la liberté. Alors, ce Dissler-là reste donc jusqu'à ce jour le seul à avoir connu indirectement la prison pour cette affaire. C'est exact. Et il faudra attendre les années 2000 pour qu'on se penche à nouveau sur les mystères de l'attaque de la caserne de Wilsheim. En particulier grâce à la diffusion d'une lettre ouverte que Lucien Dissler a envoyée à la justice et à la presse belge. Mais il y a aussi un autre élément qui va être déterminant. Quoi? La publication d'un livre d'un universitaire suisse qui révèle pour la première fois l'importance et les ramifications de tous les réseaux Gladio en Europe de l'Ouest. Y compris au Luxembourg, donc. Je sais bien que nous avons à plusieurs reprises évoqué ces réseaux. Un petit rappel, quand même. L'idée qui préside à la création des Gladio ou Stay Behind, c'est-à-dire rester derrière, c'est de tirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale en matière de résistance et de clandestinité et de s'en servir pour contrer une éventuelle occupation communiste. Et ce sont bien sûr chez les Américains et les Anglais qu'est née cette idée. C'est évident. Et ils vont la mettre en place dans pratiquement tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Il s'agit donc de se préparer à une invasion soviétique. Et de créer des unités secrètes formées de gens dotés d'une profonde connaissance du terrain, pouvant transmettre des informations et conduire des actions contre les forces d'occupation. Ça veut dire entraînement, cache d'armes, moyens de transmission, etc. Point commun, tous doivent être farouchement anticommunistes. Ouais, et c'est là où le bât blesse. En effet, parce que le recrutement va s'effectuer souvent dans les milieux d'extrême droite. Autre aspect qui va entraîner d'inquiétantes dérives. La mission confiée à ces nouveaux gladiateurs consiste aussi à détecter les menaces que des agents soviétiques pourraient faire peser sur les démocraties occidentales, et en particulier dans les pays où les partis communistes sont puissants. Comme en Italie. Ces réseaux deviennent donc, avec la complicité des services secrets, qui sont en principe chargés de les contrôler, de véritables officines extrémistes et factieuses pour lesquelles tous les moyens sont bons pour venir à bout de la subversion communiste. Ouais, y compris les attentats terroristes. Et le développement de ce que l'on a appelé la stratégie de la tension. Simultanément, extrême droite et extrême gauche sèment la violence. Une extrême gauche dont on peut d'ailleurs penser qu'elle est manipulée. Ça a été le cas en Belgique et sans doute même en Italie. Mais enfin, revenons au Luxembourg. Je vous ai parlé de cette coïncidence de date entre l'affaire de Wilsheim et le début d'une série d'attentats à l'explosif au Luxembourg. Et combien au total? Une petite vingtaine, entre mai 1984 et mars 1986. des bâtiments publics, palais de justice ou postes de police, ou encore des lignes à haute tension et des pylônes du fournisseur d'électricité CGDEL sont frappés. On compte quelques blessés, mais aucun mort. À noter que le ou les terroristes envoient aussi des lettres de menace. Et j'imagine que dans le tranquille Luxembourg, ça doit être stupeur. Ah bah bien entendu. Et tout le monde pense au tueur fou du Brabant, qui tue aveuglément chez le voisin belge. Et aussi au CCC, dont nous avons parlé. Est-ce que ces attentats sont revendiqués ? Jamais, non. Tout comme les tueurs du Brabant qui provoqueront une trentaine de morts et ne revendiqueront jamais leurs crimes. En tout cas, l'affaire du Baumeléer, c'est-à-dire le poseur de bombes, demeure une énigme au Luxembourg, car les enquêtes de police ne débouchent sur aucune piste. Ouais, mais veut-on vraiment chercher ? Ah, ça c'est une autre question, car en analysant tous ces événements, on pourrait au moins tirer une première conclusion. Derrière se trouvent des militaires ou des gens qui ont reçu une formation militaire. C'est le cas en Belgique, où les tueurs font preuve d'un grand sang-froid et à chaque fois se déploient puis se retirent comme s'ils étaient à la manœuvre. Ouais. Et à la caserne de Wilsheim, il y avait aussi des militaires. Quant au poseur de bombes luxembourgeois, c'est un très bon artificier. Et où trouve-t-on ce genre d'individu sinon dans l'armée ou les services spéciaux ? Surtout à une époque où les techniques de fabrication des bombes ne circulent pas sur Internet. Mais on va commencer à y voir plus clair en 1990. 90, que se passe-t-il alors ? Pour la première fois, on parle de l'existence de Gladio. Cette révélation a lieu en Italie, le pays où les réseaux étaient les plus puissants et où la stratégie de l'attention s'est manifestée de la façon la plus spectaculaire. Oui, les attentats sanglants de l'extrême droite. Et en même temps, les crimes des Brigades Rouges. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est l'inoxydable Giulio Andreotti... Qui vient de mourir, hein. Oui, comme on le surnommait, qui reconnaît officiellement que ces réseaux, Stay Behind, ont été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les services secrets occidentaux. 1990, c'est aussi la fin de la guerre froide. Ce n'est pas par hasard si cette révélation se produit à ce moment-là. On apprend donc que Gladio avait été sémé dans pratiquement tous les pays de l'Alliance Atlantique. Et cela provoque une vraie panique au sein des services secrets, à tel point que leurs patrons se sont réunis à plusieurs reprises à la fin de l'année 90 afin d'élaborer une stratégie de désinformation. Quoi, pour amoindrir les effets négatifs de ces nombreuses révélations sur Gladio ? Ouais, mais il est trop tard. Aussi, dans la plupart des pays, les gouvernements annoncent la dissolution de ces réseaux clandestins. C'est le cas en France, mais au Grand-Duché, il en va d'abord autrement. Alors, on dément ? Oui, mais en décembre 1990, le Premier ministre luxembourgeois de l'époque, Jacques Santer, confirme officiellement l'existence d'un réseau, Stay Behind, devant une commission parlementaire. Toutefois, c'est aussitôt pour minimiser l'importance du réseau et ses compétences, et surtout pour nier tout lien avec le Gladio italien. Santer affirme que sa mission comportait seulement deux volets, le renseignement et l'infiltration. Mais en aucun cas, le Stay Behind luxembourgeois n'a mené d'action réelle. Et donc criminel. En effet. Bref, il n'aurait existé que quelques cellules dormantes formées de braves patriotes qui se seraient dévoués pour contrer une éventuelle subversion communiste. Ça paraît même si évident qu'en janvier 1991, Santer se fend d'une lettre adressée à chacun des gladiateurs. Il y annonce que les services secrets luxembourgeois vont procéder à la dissolution des cellules et il en profite pour remercier leurs membres pour la mission ingrate qu'ils ont menée durant toutes ces années. Il espère ainsi mettre fin à l'affaire. Ouais, mais de nombreuses questions restent sans réponse. Par exemple, les liens avec les services anglo-saxons et surtout les réels pouvoirs du Gladio luxembourgeois. Et certains parlementaires du Grand-Duché ne sont pas décidés à en rester là. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué la comparution du Premier ministre Jacques Santer devant une commission parlementaire en 1990. Des années plus tard, en 2008, une autre commission est revenue sur cette audition. Ces rédacteurs reviennent d'abord sur les raisons qui ont conduit à la création des réseaux Stay Behind. Au premier signe d'une guerre froide émergente, les responsables politiques des pays de l'Europe occidentale estimaient qu'il fallait éviter, en cas d'un nouveau conflit, les erreurs qui avaient été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Les services spéciaux des pays concernés furent donc instruits de se concerter afin de préparer des scénarios destinés à évacuer les gouvernements nationaux en cas d'occupation du territoire national vers des territoires libres et à maintenir des contacts sûrs avec ceux qui étaient restés au pays. Ainsi, en 1949, se constituait le comité clandestin de l'Union occidentale dans lequel étaient représentés la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Dans le concept de l'OTAN, la mission des réseaux Stay Behind comportait en principe trois volets. Renseignement, infiltration et exfiltration, action. M. Santerre a clairement fait savoir que la mission du réseau Stay Behind luxembourgeois se limitait aux deux premiers volets. Il soulignait qu'il s'agissait de cellules dormantes destinées à devenir actives seulement en temps de guerre et en cas d'invasion du pays par les armées du pacte de Varsovie. Les agents qui, selon le Premier ministre, ne dépassaient jamais le nombre de 12, ne se connaissaient pas entre eux, ce qui fait qu'on ne pouvait donc en aucun cas parler d'une troupe. Les agents avaient pour seul équipement des émetteurs radioélectriques. Tout au long de la décennie 90, des députés écologistes et de gauche ont demandé en vain l'ouverture d'un débat public au sein du Parlement luxembourgeois. Mais parce qu'ils pensaient que les attentats à la bombe des années 80 auraient pu être perpétrés par les gladiateurs de Stay Behind. Oui, et ils étaient d'autant plus décidés que dans les milieux gouvernementaux, on se disait persuadé que jamais on ne retrouverait le ou les Baumelière. Les poseurs de bombes. Bref, circuler, il n'y aura jamais rien à voir. Oui, c'est à peu près ça. Et finalement, en 1998, ils obtiennent qu'une instruction judiciaire soit ouverte. Ah ben, 14 ans après. Et l'enquête se traîne tant et si bien que les autorités du Grand-Duché demandent l'aide des services de la police criminelle allemande, le BKA. Conclusion de ceci, les poseurs de bombes étaient au moins 4. Toutes les lettres de menace auraient été rédigées par la même personne, en anglais, mais ce n'était pas sa langue maternelle. Ce serait donc agi d'un petit groupe soudé comprenant au moins un expert en explosifs et un bricoleur. Autre précision, ces 4 individus devaient être physiquement habiles et animés par un idéal commun. Rien de bien surprenant dans tout ça. Cependant, en 2003, l'affaire rebondit après une perquisition. La justice découvre alors qu'une filature aurait été organisée en octobre 1985 par la brigade mobile de la gendarmerie. C'est un certain Ben Gaben qui était visé. Mais qui était ça ? C'était lui-même un ancien cadre de la gendarmerie, chef d'une unité d'élite qui, après avoir quitté cette arme, s'est reconverti dans le secteur de la sécurité en Belgique et en France. Détail intéressant. En 1985, lors d'un séjour au Luxembourg, Gaben a rencontré un gendarme spécialisé dans les explosifs. Le lendemain, en octobre 1985, une bombe dévaste le bureau du juge d'instruction chargé de l'affaire du Baumelière. Or, c'est ce magistrat qui a ordonné la filature de Gaben. Ah ben ça devient passionnant là. Ce n'est pas fini. L'enquête de 2003 permet d'établir que la filature de cet ancien gendarme a été interrompue quelques heures. Justement au moment où l'attentat a été préparé. On apprend aussi que Ben Gaben connaissait personnellement le chef des services secrets luxembourgeois de l'époque, Charles Hoffman. Or, celui-ci a tout fait pour que la piste Gaben soit abandonnée. Ce qui a été le cas ? Tout à fait. Ces révélations pour le moins troublantes conduisent les autorités du Grand-Duché à créer un nouvel organe parlementaire afin de contrôler l'action et l'organisation des services secrets. On avance. Oui, mais enfin, un petit pas. Il faut attendre novembre 2007 pour que deux fonctionnaires, Marc Scher et Jos Wilm, anciens membres de cette brigade d'élite de la gendarmerie, soient suspendus et mis en examen. Et peu de temps après, c'est la parution du livre de l'historien Daniel Ganser sur les Stay Behind en Europe de l'Ouest. Un ouvrage où l'on affirme qu'il existe un lien entre ces réseaux et les attentats à la bombe perpétrés dans le Grand-Duché entre 84 et 86. Mmh. Conséquence, alors ? En février 2008, le Premier ministre Juncker ordonne la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête sur le rôle des services secrets luxembourgeois dans l'affaire du Baumeler. Encore une commission ? Et encore des conclusions mi-chèvre, mi-chou. En fait, il a surtout été question de minimiser l'importance du réseau au Luxembourg. N'empêche que, malgré cette volonté d'effacement, la machine judiciaire est en marche. Et fin février 2013, s'ouvre le procès de Marc Scher et de Jos Wilms, les deux anciens membres de l'unité d'élite de la gendarmerie. Tandis que, parallèlement, les députés poursuivent les auditions engagées sur le fonctionnement des services secrets. Oui, c'est le début là, d'un interminable procès. Hein. Oui, où plus de 90 témoins seront entendus. Pour le Luxembourg, si propre et si prospère, ce grand déballage provoque un véritable traumatisme national. Mais attends, et de quoi sont accusés les prévenus là ? Ah bah, pas moins de 18 chefs d'inculpation ont été retenus. Tentative d'assassinat, incendie criminel, violation de la loi sur les armes. Ces deux anciens gendarmes sont donc soupçonnés d'avoir été directement mêlés aux attentats à la bombe de 84, 85 et 86. Absolument. Le ministère public défend la thèse d'un complot fomenté par un groupuscule secret au sein de la gendarmerie et soutenu par sa hiérarchie. Oui, mais avec quel objectif alors ? Démontrer les faiblesses sécuritaires du Luxembourg dans les années 80. Et donc exiger qu'elles soient renforcées. Hein. C'est aussi ce que certains ont pensé à propos des tueurs fous du Brabant dont les actions criminelles auraient eu pour but la mise en place d'un État plus fort et plus autoritaire. C'est exact. Mais pour les avocats de la défense, les accusés sont les boucs émissaires d'une action conjointe du STBN et des services secrets luxembourgeois dans le cadre de la guerre froide. Ils déplorent en particulier le fait que la piste du principal suspect dans l'affaire Baumeler, Ben Geben, l'ex-patron des accusés, ait été abandonné. D'autant qu'on apprend que cet individu a été aperçu sur les lieux de l'un des attentats, en octobre 85. Mais les avocats vont encore plus loin. C'est-à-dire ? Ils prétendent qu'il existe un lien entre le dossier de Baumeler et le drame de la caserne de Velsam en Belgique. En effet, ils sont persuadés que les Stébehind, luxembourgeois, y ont été mêlés, contrairement aux affirmations des autorités luxembourgeoises. Mais avec quelles preuves ? Ils font état de témoignages d'anciens membres des forces armées luxembourgeoises qui affirment que les gladiaux belges et luxembourgeois ont participé à l'exercice Essling 84 en forêt ardennaise. Il déclare que des membres de ces organisations secrètes avaient été entraînés à mener des actions de sabotage. D'ailleurs, juste avant l'ouverture du procès, un sous-officier luxembourgeois a révélé que ces gladiateurs clandestins étaient allés se former en Écosse au maniement des explosifs. Ça commence à faire beaucoup. Mais au fil du procès, le déballage se poursuit. Ainsi, on met en évidence les liens étroits du patron des services luxembourgeois, Charles Hoffman, avec la CIA. Autre information. Le FBI se serait livré à un travail d'expertise à propos des attentats. Et les spécialistes états-uniens auraient privilégié la piste militaire et conclu que les poseurs de bombes devaient avoir suivi une formation en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les rapports du FBI auraient été rangés dans les archives des services secrets du Grand-Duché et n'auraient jamais été transmis à la justice. Ouais, ce qui, rapporté à ce que vous avez dit auparavant, ne me semble pas autrement étonnant. Hein. Et cette pratique du secret semble être une donnée permanente dans les institutions sécuritaires du Grand-Duché. Bizarrement, les dossiers sur les exercices Hussling ont disparu en 2011 des archives du centre militaire du Grand-Duché, selon une lettre anonyme reçue quelques jours avant le début du procès. Quant à l'ex-chef des services luxembourgeois, Charles Hoffman, il a affirmé, sans rire, que ses agents n'avaient jamais enquêté officiellement sur l'affaire des poseurs de bombes. Et un mensonge. Bien évidemment, car on a récemment appris que dès le début 2006, les services secrets du Luxembourg avaient conclu que le réseau Stabenheim du Grand-Duché était responsable des attentats et en avait informé le Premier ministre. Alors, pourquoi celui-ci n'a jamais transmis cette information capitale à la justice, alors même que l'instruction de l'affaire Baumeler était déjà en cours. Et que peut-il advenir maintenant ? Le procès se poursuit en ce moment et on attend les témoignages des plus hauts responsables du Grand-Duché. Jacques Santerre, par exemple, l'ancien Premier ministre, mais aussi Jean-Claude Juncker, l'actuel chef du gouvernement. Ouais, c'est donc la fine fleur du milieu politique qui va être appelée à la barre. Oui, plus préoccupant encore. On va aussi y voir, vraisemblablement, des membres de la famille grand-ducale luxembourgeoise. Et pourquoi ? Selon l'ancien patron des services secrets, des soupçons pèseraient sur certains. Le grand-duc Henri aurait, par exemple, été en contact permanent avec le MI6 britannique. De même, son frère cadet, le prince Jean de Nassau, aurait été désigné par un témoin anonyme en 2005 comme étant le cerveau des attentats des années 80. Il aurait même été vu sur le lieu de l'un des attentats, l'aéroport du Findel, en novembre 1985. Mais il convient de demeurer prudent parce que chaque jour ou presque apporte son lot de nouvelles révélations. Et ça va continuer ? Oh, certainement. Parallèlement au déroulement du procès, la commission parlementaire poursuit sa propre enquête. Le 21 avril dernier, les députés ont fait une descente aux archives des services secrets luxembourgeois, au château de Seningen, pour récolter toutes les fiches en rapport avec les cellules Stay Behind. Des fiches restées secrètes depuis 50 ans. Et il est probable qu'ils vont trouver des pépites au milieu de tous ces documents et même des informations explosives. Par exemple ? À l'époque des attentats à la bombe, le Grand-Duché a reçu un étrange visiteur. Qui ? Licio Gelli, le grand maître de la loge maçonnique italienne mafieuse P2. Gelli, qui a été l'un des chefs d'orchestre de cette stratégie de la tension qui a plombé les années 70 et 80 en Italie. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Daniel Ganzer, « Les armées secrètes de l'OTAN », un livre dont vous trouverez les références sur franceinter.fr. Et puis, un clin d'œil à nos auditeurs luxembourgeois ou belges, je ne sais plus, résidents au Luxembourg, pardon, Jean-Christophe Cortier, qui, au moment même où nous préparions ce dossier avec Monsieur X, nous a alertés sur ses affaires luxembourgeoises. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou et à Monsieur Joub. Et sur franceinter.fr, vous pourrez nous retrouver. À samedi prochain et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessot.